quand j'étais petit, je voulais être une lunette. Une lunette de toilette, dans les toilettes des filles. Quand j'étais petit, je voulais être une lunette. Une lunette de toilette, dans les toilettes des filles. Une lunette de toilette dans les toilettes des filles.